Salut et bienvenue sur ce second podcast sur le jeu Monster of the Week. On se retrouve sur la seconde partie du mystère où nos chasseurs avaient retrouvé le monstre en train de faire un carnage dans l'église de Kanaak. Nous nous étions arrêtés alors qu'il s'apprêtait à faire une entrée spectaculaire dans la dite église. Bonne écoute. On voit la caméra qui survole un peu en travelling Kanaak. On voit des gens danser et faire la fête autour d'un immense feu de joie. Et il y a une femme sans âge, sans doute que Tuktu, la chamane, qui s'est écartée du groupe et qui regarde en direction de l'église, qui a l'air inquiète. Et il y a une autre femme au regard dur, Noja, qui s'avance aux côtés de Tuktu. Et il y a la caméra qui continue son travelling comme ça et qui plonge vers l'église. Et là, on entend des cris, l'obscurité. Et face à la porte d'entrée de l'église, il y a Edgar, Mia et Cassie, armes au poing, qui entrent avec précipitation dans l'église. Et face à eux, il y a une vision d'horreur. Des cadavres partout entre les bancs de prière. Un prêtre, il y a peu, qui était charismatique et qui maintenant a le regard fou. Un cierge enflammé à la main et qui hurle « Démon, sors de cette maison! Sors de la maison de Dieu! Je t'en conjure par tous les saints !» Il y a une ombre qui tourne à grande vitesse autour du prêtre comme un nuage de fumée, pour vous faire une image un peu comme un détraqueur dans Harry Potter, quoi. Qui tourne comme ça autour, comme s'il essayait d'attaquer le prêtre. Que faites-vous? Moi, je sais exactement quoi faire, mais du coup, c'est pas encore mon tour, je suis dans la neige. Non, toi, t'es dans la neige, ouais. Sans. Je suis dans la neige. J'ai une unité, mais c'est 20 ans de prison. On prend le juge par la... Enfin, on prend le prêtre par la cheville, on fait des plus grands cercles avec son truc. écoutez, on a dit tous qu'on passait arme à la main. On m'a donné de très très bons conseils il y a pas longtemps. Et étant donné que moi, en combat, je ne sers pas, je suis pas hyper bon, mais j'ai quand même de très bonnes compétences à côté. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais enquêter sur le. Attends, faut que je me rappelle des manœuvres. Attends, faut que je évaluer la situation qui craint. Comme ça, pour savoir quelle est la meilleure façon d'entrer ou alors qu'est-ce qui. Qu'est-ce que tu cherches à faire en fait? Bah moi, en fait, ce serait savoir comment on peut faire pour. On est d'accord que tout le monde est mort à part le prêtre. Là, quand vous rentrez, effectivement, vous voyez des cadavres partout. Il y a peut-être encore des survivants, mais. C'est pas du tout évaluer la situation qui craint. En fait, c'est pas dans évaluer la situation qui craint. C'est enquêter sur un mystère où c'était à quoi était-elle vulnérable, mais du coup. Enquêter sur un mystère alors que j'ai devant les yeux, c'est un peu con, quoi. Là, tu peux pas enquêter, là. Là, tu peux éventuellement évaluer une situation qui craint. Mais il faut que tu m'expliques un peu comment tu fais. Est-ce que tu regardes aux alentours? Enfin, voilà, que tu expliques. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Que tu fais pour savoir ce que tu cherches? En fait, c'est que je me dis qu'en quoi j'ai le meilleur choix, moi, là. Dans le cas présent, en fait, où on est face à une espèce d'ombre ou quoi que ce soit, c'est concrètement, on va pas se mentir, si tu tires à travers un fantôme, ça traverse. Et vu que c'est une apparence vraiment fantomatique, on sait pas si c'est consistant, moi, ça me fait un peu peur, donc j'aimerais évaluer une situation qui craint pour, un, savoir à peu près ce que c'est et savoir qu'est-ce qui pourrait le buter, genre de la lumière, genre de merde, quoi. Ouais, son point faible. Hein. Voilà, trouver son point faible, mais je ne peux pas le faire en évaluer une situation qui craint. Après, le point faible, je peux m'en occuper. D'accord, sinon, sinon j'appelle Internet, mais c'est quoi donc, quoi? En plein milieu d'une situation. Du combat, le mec, tu vois, il craque son fusil, tu sais, avec les cartouches en l'air, il le met sur l'épaule. Ouais, c'est moi. Du coup, je suis face à ça. Tu sais pas comment on bute ça par hasard. Une situation tendue, Edgar, tu fais quoi? Je voudrais lancer une manœuvre de sombre passé pour informer l'équipe des potentielles faiblesses du monstre. Alors, il y a la créature qui est quand même juste à côté de vous, hein, quand même, qui est en train de tourner autour du prêtre, mais d'ici quelques secondes, peut-être qu'elle vous remarquera et qu'elle vous foncera dessus. Si tu commences à plonger dans tes souvenirs à ce moment-là, je préfère te prévenir que ça peut se retourner contre toi. Je m'en doute bien, mais après, j'ai pas plongé dans mes souvenirs pendant 10 minutes. C'est parce que le monstre, je connais quand même plutôt bien, donc c'est... Le monsieur marque un point. Il y a des similitudes avec ton passé, effectivement. C'est peut-être pas le même, mais il y a des similitudes. Voilà, c'est pour ça. Très bien. Et toi, Cassie? J'ai réfléchi, c'est une créature. Je pouvais pas lui lancer une malédiction? Tu peux tenter de lui lancer une malédiction, oui, si tu veux. C'est-à-dire, elle est là, en train d'essayer d'attaquer le prêtre. Il y a des cadavres partout, et vous qui êtes là... Mia, tu peux lancer tu évalues la situation autour de toi et t'essayes de trouver peut-être des choses d'utiles ou qui pourraient servir dans cette situation qui est pour l'instant un peu très tendue. Ouais, bah je suis vraiment en train de lire les toutes et je pense qu'il y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqué pourraient me plaire. Donc ouais, je vais évaluer une situation qui craint. Parce que moi je peux y faire 2 dégâts mais après elle risque de nous attaquer donc... Je vais évaluer une situation qui craint. Donc je fais 12, donc c'est-à-dire que j'en ai 2. Très bien. Alors sur évaluer, t'as une réserve de 3. Si vous agissez conformément aux réponses obtenues, vous gagnez un +1 constant. Non, je comprends pas. Ah oui, d'accord, réserve 3, pardon. D'accord, oui. J'ai pas lu le haut. Tu peux poser 3 questions. Non, 3 questions. Donc déjà, je demandais, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqué à part la grosse ombre qui part de tous les côtés? Est-ce que le prêtre va nous balancer le truc à la gueule? Dans les dangers que vous n'auriez pas remarqué, il y a peut-être cette poutre qui a été glacée parce que la bête, la créature provoque un froid intense et vous voyez que l'église est peut-être pas dans sa meilleure forme en tout cas à ce moment-là et il y a peut-être un risque d'effondrement effectivement. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus vulnérable selon moi? Est-ce que ça va être un d'entre nous ou c'est le prêtre ou est-ce que ça peut être vraiment il va s'échapper et s'attaquer à la foule? En regardant, tu regardes la scène comme ça, tu viens de rentrer dans l'église, tu regardes, tu vois le prêtre avec cette ombre, une forme un peu humaine qui tourne autour et tu te dis, elle l'attaque pas pour l'instant donc le plus vulnérable, c'est sans doute nous. Parfait, enfin plus ou moins. Ok. Tu as une dernière question que tu peux garder pour un peu après ou... Bah j'hésite parce que en fait les autres. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Bah ils sont tous morts donc. Il reste le prêtre. Je sais pas, il y a beaucoup de morts. Ah, il y a beaucoup de morts, mais. Ouais, et il y a le prêtre. Ouais. Voilà, mais il y a que le prêtre qui est vivant, c'est ce que je te demandais. Mais il y en a peut-être d'autres, hein, je sais pas. Est-ce que pour vous, ça, je demande l'aide de tout le monde, est-ce que pour vous, ça vaudrait le coup de savoir que c'est la meilleure façon de protéger les victimes, s'il y en a d'autres qui sont vivants? Non, tu peux pas demander à tout le monde, là, t'es en train d'évaluer la situation. Je peux pas demander, donc niquez-vous. je vais dire... ouais, allez, quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Ben, sans doute d'attirer la bête vers vous. Ok, bon, bah... Enfin, sans doute, oui, de lui changer son point d'attention, en tout cas, ouais, sans doute. Edgar, tu voulais fouiller dans ton passé, donc vas-y, je te laisse faire. C'est parti. Sur mon passé, sur un 7-9, vous ne pouvez en poser qu'une. J'ai une réserve de une. Quand j'ai eu affaire à cette créature, qu'ai-je appris, quand j'ai une forme de magie noire qui pourrait m'être utile, je vois seulement ce qu'est-ce qui me pourrait me... Mais peut-être qu'est-ce que tu as appris sur cette créature? Ouais, je vais juste faire ça. Ouais, du coup, quand j'ai eu affaire à ces créatures, qu'ai-je appris? Tu fouilles du coup dans ta mémoire et tu te rappelles que lorsque cette créature a décimé la plupart de tes anciens compagnons, quelque part, on pourrait dire, elle a pu être contenue par les flammes de la maison, enfin le lieu qui vous servait pour vous réunir. D'accord. Et qu'elle a pu être contenue par ce feu-là. D'accord. Cassie, moi, tu voulais lancer une malédiction, je crois. Ouais. Da-da-da. Chose étant, c'est un peu... Tu éternueras tout le temps les jours fériés. C'est ce genre de truc que j'adore. Ouais. Eh bien, vas-y, ça. Ouais, il faut que je cible en plus. Ah, mais je vais attirer son attention, ça va être fun. Lance une malédiction. Belle réussite. Ouais, ça c'est nice ça. Ouais. GG. Du coup, là, je peux en choisir un sur les 3 qu'il y a, du coup. Ouais. Ah ouais. Le mieux à faire. Ouais, mais un monstre qui tombe malade, c'est pas fun. Enfin. Il a une. Oh mon dieu, en plus, il transmet le corona. Bah, fil Covid, hein, dans 2 semaines, c'est plié. Bon, du coup, je vais faire 2 dégâts magiques sans armure, tant qu'à faire. 2 dégâts. Ok. Donc, explique comment ça se passe, exactement. Du coup, sans rentrer dans l'église, en restant devant le porche de l'église, je me concentre fortement et... Tu prononces peut-être quelques mots dans une langue inconnue, je ne sais pas. Ouais. On va nous parler serpentin. Ouais, serpentin. Ouais. Et du coup, je baragouine... quelques mots inconnus en verlan. Et du coup, ça lance la malédiction. Ben ouais, du coup, ça marche. Mais ouais. Waouh. Mais oui, ça marche. Non, non, après, tu aurais pu décrire ce que ça faisait sur la créature. Mais... Faut que j'apprenne à être plus RP. Et ouais. Et disons que... Ben, pourquoi elle prend deux dégâts ? La créature est poussée en arrière. elle a subi ta malédiction de plein fouet. Et elle se retourne vers vous. Le prêtre est toujours en train de hurler ses incantations en ayant les yeux quasi révulsés. C'est grand mort. Il a plus rien de charismatique du tout et il tient toujours son cierge comme ça et puis la bête commence à vous foncer dessus et elle s'attaque à toi, Cassie. Évidemment, tu lui as fait un peu mal. elle plonge comme elle l'a fait pour Jonah, elle plonge sa main dans le niveau de ton cœur, sa main ectoplasmique et elle réduit le rythme cardiaque et sort de là, impie. Et comme la dernière fois pour Jonah, tu te fais propulser en arrière et tu prends un point de dégâts. Oh, aïe. Tu es sonné. Ouais. Sors de là, impie. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Tu peux... Ouais, je le passe à 6 du coup. Ouais, voilà, tu peux te descendre les points. C'est bon, c'est fait. Pendant ce temps, Jonah, tu étais dehors et tu as été rejoint par... Oui. Tuktu, la chamane qui te dit c'est un Atsem, il faut... Oui, j'avais bien compris que... Pardon, je vous laisse parler. Ne vous approchez pas, il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas rentrer dans cette église. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je la regarde, je lui fais un signe de la tête très bref, et je fonce vers le véhicule. Ok, et ensuite ? J'allume le... Alors, le lance-flamme est fixé dessus, ou je peux le séparer ? Disons que le séparer te prendra un peu de temps, sans doute. Ok, donc je prends le véhicule. Est-ce que je peux activer le lance-flamme dans le véhicule ? Il faudrait deux, je pense, hein. Un pour conduire, un pour lancer les flammes. Ok, et ben je vais commencer à séparer le lance-flamme alors. Ok, donc tu es en train de séparer le lance-flamme. Pendant ce temps, à l'intérieur, la créature s'est tournée vers toi, Mia. Et de la même manière... Coup à planter son bras ectoplasmique dans ton cœur de la même manière, sors de là impie et hop, tu te fais jeter à l'extérieur et tu prends deux points de dégâts. Fichtre. Elle se tourne vers Edgar et elle balance comme une gifle en mode retourné, quoi. Il y a l'aller et le retour. Elle te fait plutôt un retour comme ça et sa main traverse ton visage. Tu sens ton visage se glacer et se rigidifier. Et tu fais trois valdingues et tu tombes par terre entre les bancs de l'église. Et elle commence à s'approcher de toi. Qu'est-ce que tu fais, Edgar ? Est-ce que déjà je prends des dégâts, s'il te plaît ? Comment ? Est-ce que je suis blessé ? Dans quel état je suis ? Est-ce que je suis blessé ? Est-ce que... Ouais, t'as pris deux points de dégâts là. Ouais, dans quel état physique je suis surtout ? C'est ça qui m'intéresse parce que... Tu es sonné, tu es tombé par terre. Ok. Mais tu es encore en capacité de bouger, de te relever, de faire quelque chose. Elle semble s'approcher de toi. Mm. Elle te regarde, même si difficile de voir si elle a des yeux ou pas, c'est à la fois une ombre et une forme humaine. Mais très difficile de voir. En tout cas, t'as vraiment l'impression qu'elle s'approche lentement de toi et qu'elle s'intéresse à toi à ce moment-là. Du coup, j'ai légèrement avoir peur et donc je vais utiliser la magie. Donc je vais faire. Tu voudrais faire quoi comme type de magie à ce moment-là ? Je voudrais essayer de le piéger. Enfin, dans mon esprit, je me disais que, du coup, comme j'avais déjà vu qu'il a été piégé par le feu, essayer de faire un cercle de feu autour. D'accord, très bien. Voilà. Donc vas-y, décris la situation. T'as fait un 12, donc c'est toi qui as dit. Du coup, là, je vois l'esprit s'approcher lentement de moi. Et donc, plus par peur, peut-être pas par la vraie peur, mais par une légère crainte et par réflexe, je vais faire quelques runes grâce à ma magie et je vais... réussir à placer une sorte de cercle autour de la créature et faire une aura de feu, entre guillemets. Ok. Jonah, tu es dehors, tu es en train de démonter le lance-flamme. Tu as enfin réussi à le démonter. Mm-hmm. Tu l'as donc avec toi, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je vais rentrer dans l'église, je vais pousser les deux portes, l'armée, et faire « Alors comme ça, t'aimes bien les cierges ?» et l'allumer, en fait. vers la créature. Tu as Edgar qui est juste derrière, pas très loin, vraiment à côté. Oh ça, il s'en fout. Bah en essayant de viser pas Edgar du coup. Ça c'est pas son problème ça. Alors c'est un lance-flamme hein. Ouais c'est un lance-flamme. Un lance-flamme c'est plutôt un dégât de zone. Ah merde, et du coup il peut pas se décaler. Il vient d'utiliser la magie, on est dans l'instant du moment là, tu vois. Ah oh, putain, la mission passe en priorité. Quand... Désolé chef. Content de t'avoir connu, Edgar. Hein. Il va crever le chef. Mais comme on l'a dit, tuer les monstres, c'est la priorité. Keisho. Il a déjà fait assez de victimes. Attendez, il faut que je fasse casser la gueule. Alors effectivement, ouais, si tu veux balancer, ouais, je vais faire casser la gueule, parce que ça pourra... Ouais, c'est ce que je fais. Je suis... Ah, ça marche, mais il y a une répercussion, c'est ça? Ouais, bah c'est ça, ouais. Pourquoi c'est lui qui partirait? Oh merde, je suis désolé. Monde de merde. C'est quoi les dégâts d'un lance-flamme en plus? Je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que ça brûle. Ça brûle généralement, tu vois. C'est pas ouf. Comment ça allume le lance-flamme? La créature était au centre d'un... Je t'avais pas vu, je suis désolé. D'un cercle de feu. Et lorsqu'elle voit la flamme arriver sur elle, tu vois que la créature monte à la verticale, s'extrait du cercle de feu et commence à passer à travers le toit de l'église. Et le lance-flamme balance ses flammes sur Edgar qui perd 3 points de vie. Oh, je suis désolé, je t'ai brûlé. Je suis désolé. Il dit ça mort de rire quand même. Non mais il y a que moi que ça choque que le mec dise je vais me servir d'un lance-flamme mais ça sait pas comment ça fonctionne. Bah ouais, mais en même temps en montant vous entendez quand même la créature hurler. Il est fort possible que tu l'aies touché. Yes. En balançant les flammes. En balançant tes flammes. La créature a disparu. Elle n'est plus dans l'église. En tout cas, elle est passée à travers le toit. Vous ne savez pas où elle est. Mia, tu en es où toi? Bah moi, du coup, je sens que j'ai un peu mal au cœur. Mais c'est parce que Edgar vient de se faire cramer la gueule. Pardon. Que ça s'appelle. Edgar a un peu les vêtements en flammes, faudrait peut-être l'aider. Ouais, j'avoue. Bah écoute. Salopard! Il y en a beaucoup qui vont me détester, je le sens après. Oh oui, bah écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est tant qu'on y est, autant. Le seul truc que je peux faire, c'est l'achever. Je peux pas le traîner dans la neige. Je suis pas forte du tout. Mais si, t'es quand même bon. Non mais moi je peux t'aider. Tu peux le traîner dans la neige si tu veux, ça demande pas un jet de dé. Je vais le traîner dans la neige. Je vais traîner Quentin dans la neige pour éviter qu'il crame trop. Et je peux l'aider ou pas? Alors Edgar, et du coup Mia, tu commences à traîner Edgar à l'extérieur dans la neige pour arrêter les flammes. Peut-être Cassie, tu l'accompagnes pour l'aider, je ne sais pas. Ouais. Ou tu fais autre chose. Je vais essayer de chercher des bouteilles d'eau pour lui jeter dessus. Dans la neige? C'est... Non, on a juste besoin d'en faire un kebab en fait. On le met dedans et c'est bon. Hein. On l'enterre dans la neige alors. On l'enterre dans la neige, ça marche. À l'entrée de l'église, tu trouves bien un bassin où il y a un peu d'eau bénite pour se signer, mais le problème c'est qu'avec l'arrivée de la bête, l'eau bénite a été complètement gelée. Divinité. Donc une bouteille d'eau, tu n'en trouves pas. pas vraiment. Bon, bah, je l'enterre dans la neige. Hein. Voilà, donc vous mettez Edgar dans la neige pour essayer de... Je vais aider Mia maintenant. Mais il n'est pas mort. De calmer ses... de calmer ses brûlures. Les brûlures. On l'enterre. Pendant ce temps, au loin, la fête... il n'y a plus de bruit au niveau de la fête. Les danses se sont arrêtées. Et en fait, il y a un gros attroupement devant l'église avec Tuktu, Noja et Nilak, le chef du village, qui sont là devant, en train de regarder le carnage qui vient de se passer. Un bout de l'église est en train de tomber, elle tient encore debout. Et à l'intérieur, on entend encore le prêtre balancer ses incantations. Alors que la créature est déjà partie, on voit le prêtre sortir, les cheveux ébouriffés comme un fou. Il tient son cierge encore dans la main, mais son cierge est en train de quasi lui bouler les doigts. Il est dans un état psychologique second. Et Tuktu a un regard grave sur la situation. Elle se tourne vers la communauté derrière elle en essayant de calmer tout le monde et en expliquant que c'est sans doute un Atsem et que comme les légendes le racontaient, le jour de la nuit polaire, c'est le jour où le voile est le plus fin et qu'un Atsem a dû en sortir et est en train de menacer le village. Elle propose à tout le monde de se réunir et de finir la nuit ensemble, tous ensemble dans le centre communautaire en allumant quelques torches à l'entrée. Et elle propose demain de trouver un moyen de renvoyer cet Atsem dans sa dimension. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Bah déjà, on va commencer peut-être par soigner Edgar. Ouais, moi je voudrais bien essayer de me soigner un peu avec la magie, tu vois. Ouais, je vais sortir. Ouais. Je vais sortir essoufflé. Et je vais regarder l'étendue de mes dégâts et je vais vraiment me sentir très mal. Donc du coup, je vais tout de suite aller vers Edgar et essayer de demander des soins autour de moi. Je vais pas du tout être bien. Il y a Tuktu qui arrive et qui est prête à vous aider à soigner Edgar. Et du coup, elle commence à sortir des choses d'une petite besace qu'elle a. Elle commence à te soigner tes plaies à différents endroits, mais elle a quand même un air un peu grave et elle se tourne vers Noja et lui dit peut-être qu'il faudrait le ramener à l'hôtel et faire ça proprement. Je vais les escorter. Elle vous invite à tous revenir à l'hôtel avec Noja où elle pourra peut-être guérir plus facilement les blessures. Ensuite, elle devra rejoindre le centre communautaire pour protéger l'ensemble de la population, évidemment. Ok. Ok, bah je vais le porter, du coup. Je vais suivre. Vous retournez à l'hôtel. On a une voiture, on veut pas le travail en voiture. Eh non, mais je vais le porter jusqu'à la voiture, je vais pas le porter jusqu'à l'hôtel. Prenez votre engin en chenille, vous retournez vers l'hôtel et vous allongez Edgar sur un lit et vous commencez à essayer de le soigner. Edgar, tu vas... On lui fait des papouilles. Tu vas gagner, tu vas reprendre en tout cas 3 points de vie. Nice. Je me sens mieux, hein, vraiment, dommage. Nous, on n'a pas un micro-ondes quelque part, histoire de réchauffer nos cœurs ou pas? Donc... Il y a le chauffage. Alors, vos cœurs ont été ralentis à un certain moment, mais ça revient assez vite quand même, la température corporelle remonte. C'est surtout sur le moment où en fait ça fait très mal et surtout il y a le risque d'un arrêt cardiaque. Vous passez la nuit à l'hôtel, c'est le lendemain. Il y a plusieurs choses sans doute qui sont en train de se passer au village, notamment au niveau du centre communautaire. Noja vous explique un peu la situation. Elle vous dit que il y a le prêtre qui est devenu fou, qui se trimballe dans les rues en train de parler d'apocalypse et de fin du monde et invite tous ceux qui le veulent à rejoindre le port des baleines pour faire une procession afin de se... de faire une rédemption de tous nos péchés. Oui. Afin de protéger la population et donc il souhaite faire une procession du port des baleines jusqu'à l'église sur les genoux. Elle vous explique aussi qu'il y a Tuktu qui est avec Nilak au niveau du centre communautaire et qui vont tenter de peut-être... Alors, ils ont dans l'intention de sacrifier 10 chiens de traîneau afin de calmer l'esprit. Il faut savoir que dans une population comme Kanak, les chiens de traîneau sont les choses précieuses qu'il puisse y avoir comme animal de compagnie. Plus qu'un animal de compagnie, hein, c'est un animal de survie. Pardon. Et vous savez aussi qu'il y a Massac qui pense que ce n'est pas un esprit, mais plutôt encore un coup de ces ricains de la base de Tulé. Et qui compte mener une expédition pour rendre des comptes, enfin pour demander aux ricains de rendre des comptes. Est-ce que je peux m'entretenir avec tout le monde dans un coin où il y a personne ? Évidemment. Genre les choper, par exemple, on rentre dans la bagnole et on commence à discuter entre nous. Il y a moyen ou pas ? Non, faites ce que vous faites, faites ce que vous voulez. Ok, donc je pense avoir une théorie à la con. Donc j'aimerais avoir le point de vue de tout le monde là-dessus, comme à chaque fois, parce que je suis juste un putain de parano. Vous avez pas remarqué qu'à chaque fois que l'un de nous est rentré dans l'église, il nous a juste balancé à la gueule, sortez d'ici, impie. Donc c'est-à-dire que quoi, c'est un problème avec la religion. Est-ce que ce serait pas la prêtresse qui aurait appelé ce truc-là de l'autre monde, sachant qu'elle aurait pu avoir un lien, simplement un lien avec l'autre monde. Et simplement, ce serait pour éviter qu'on croie les gens aillent à l'église plutôt que de. Et surtout viennent fêter la fête là-bas. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il a attaqué les gens dans l'église. Il n'a pas attaqué les gens à la fête, ils étaient plus nombreux. Donc il aurait plus de bouffe si vraiment le truc voulait juste attaquer pour avoir à manger. Alors après, il y a un truc. Sachant que les deux endroits étaient éclairés, donc c'est pas un problème de lumière. Ouais, mais entre des cierges et un flambeau énorme, il y a une différence, tu vois, je pense. Ouais, il y avait le feu là-bas, il craint le feu. Ouais, c'est ça, c'est la différence d'humidité, là, quand même. Je sais qu'il y a pas été, il craint le feu. D'accord, c'est pour ça que je dis, moi, c'est une théorie qui me paraît plausible. Parce qu'on s'est tous les trois pris à sortir d'ici impie. Donc toute personne qui rentrait dans l'église... Ouais. Pouvait être considéré comme impie. Qu'est-ce qui est impie quand tu rentres dans une église? C'est quelqu'un qui fait par rapport à un autre acte, ou alors quand tu rentres dans une église, quand on vire en disant que t'es que s'appelle que tu n'es qu'une impie, c'est que tu crois pas à ce que lui, enfin à ce que la bête croit en gros. Déjà une bête dotée de parole. Oui. Et que par hasard, on a la prêtresse était à côté. Enfin, t'es pas si loin que ça. Donc sur un lien mental ou je ne sais quelle autre fourberie que ce monde nous réserve, moi ça me paraît plausible. Donc c'est... Voilà, c'est juste ça. C'était mon point de vue et je voulais éviter d'en faire trop de bruit autour. Ah, pour ramener les gens à sa religion. Voilà. Oui, enfin, il faut oublier quand même qu'il y a un portail immense à quelques kilomètres d'ici et qu'il y a sûrement des dizaines et des dizaines d'ombres qui en sortent. Non, pour l'instant, on sait qu'on n'a qu'une seule. Moi, j'ai peut-être une autre théorie. Bon. C'est que la première personne qu'elle a tuée, c'était un révérend, cette créature, quand elle est sortie. Peut-être qu'elle a pris, pas les souvenirs, mais peut-être tout l'aspect religieux, et que du coup, elle sait à peu près. Non, c'est... Voilà. Parce que je sais pas si tu te rappelles du témoignage des trois... Ouais, c'est vrai. Tes trois soldats, ils ont tous les trois un truc différent. Ils disent tous les trois un truc différent. C'est des femmes différentes. Ouais. Donc c'est à ce moment-là, en fait, on a été mis en doute. Mais après, je crois que Edgar avait des infos comme quoi c'était un truc qui en fait, qui devenait votre plus grande peur. La peur des gens. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'on a tous vu sa vraie forme. Oui, et ça aussi qui me rend un peu bizarre. Et surtout, bah, du coup, c'est. Ouais. Ce serait la peur, soit on a tous vu la peur du prêtre. Ah, mais c'est du village. Non, soit on a tous vu la peur du prêtre. Et à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est que ce truc-là peut se focaliser que sur une seule personne à la fois. Soit. Oui, mais à la base, c'est une légende du village. Donc il se nourrit de la peur de toutes les personnes du village. C'est peut-être la peur la plus commune. Je sais pas. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'ils les connaissent quand même. C'est ça. Ils les connaissent. Il va sur la peur qui a le plus, on va dire. Pour toi, ce serait une peur pour la région. Mais que c'est une peur de tous les villageois. Alors que vous êtes en train de discuter dans la rue comme ça des différentes théories que vous avez sur cette créature à chasser, il y a Massac qui passe avec un groupe d'hommes. Massac, je vous rappelle, c'est le policier un peu alcoolique qui aime pas trop les ricains et les étrangers. Il passe, il vous regarde ce regard noir dont il a l'habitude de vous regarder et il vous dit tout cela n'est pas normal et tout cela vient encore une fois de la base de Tulé. Vous, je vous conseille de partir d'ici au plus vite si vous ne voulez pas qu'on vous fasse la peau. Nous partons à Tulé et nous allons... Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je peux intervenir ? Ouais, je finis et tu interviens. Okay. Et vous voyez effectivement qu'il est accompagné d'une dizaine d'hommes armés, mais c'est pas des armes lourdes quoi, hein. les fusils de chasse. Ouais, c'est des torches et des fourches quoi. Les fusils de chasse qui servent à chasser l'ours, des choses comme ça, ou le phoque, certains harpons et des trucs comme ça, et ils sont en partance pour ça. Oui, Jonah ? Alors, moi j'ai un truc dans mon historique. Dans ma botte secrète. Un lance-flamme. C'est que je peux te demander. C'est dans escroc. Qu'est-ce qui convaincra cette personne de faire ce que je veux ? Ouais, c'est un... Qu'est-ce que tu veux ? Je veux les en empêcher. Tu voudrais que... Je veux qu'ils protègent le village à la place d'aller à la base et de juste se faire tuer bêtement. T'as pas un lancé de dé à faire pour un truc pareil ? Après, je peux leur dire, peut-être. Voilà. Alors, attends. Tu voudrais qu'ils n'aillent pas vers Tulé. Et je voudrais qu'ils protègent le village plutôt. Ce serait beaucoup plus intelligent de leur part. Enfin, intelligent, tu vois. Ouais. Sur le colisée, les garçons. Qu'est-ce qui pourrait le convaincre ? Bah, en fait, c'est juste pour être sûr si je fais un 7 ou un 9 dans manipuler quelqu'un. C'est juste pour être sûr que de savoir ce qu'il va me demander et voir si je peux y réfléchir. Mais après, si je fais un 10, techniquement, il est censé m'obéir. Donc, je vais essayer. Non, si tu fais un 10, il est pas censé. Ah oui, il est censé... je sais plus ce qu'il y a. Non, il peut faire quelque chose d'autre. Hein. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Oui, oui. Il faut que j'ai... Tiens, je vais essayer de le convaincre. Pendant ce temps-là, Cassie, est-ce que tu peux pas savoir où est le monstre? Ouais, justement, je voulais te le demander, ça, si tu pouvais justement... Avec l'aide de Edgar, pendant que moi et Jonah, on essaie de... Enfin, Jonah et moi, pardon. On essaye de... Que ça s'appelle d'arrêter les autres. Ouais, où est-il le monstre? Pour le détecter, ça marche. Je peux pas te connecter en Bluetooth. Ensuite, Cassie, je vais te demander ton aide. On va se mettre vite fait dans la voiture. Ah, ok. Et je voudrais que tu m'aides à... On va commencer à fabriquer des runes de feu légèrement plus puissantes que mes boules de feu habituelles. Je suis désolé, je vais continuer à utiliser un lance-flamme. Je peux t'aider à faire des runes de feu, moi? Cassie, Edgar, vous partez... Bah, t'as de la magie. Pour faire des runes de feu puissantes, c'est ça? Alors déjà, il faudrait... moi, je sais ce que je voudrais, donc je voudrais voir ce que veut faire Cassie d'abord. Ouais, y a pas de... Je peux aller l'aider faire à ces runes de feu? Savoir si j'en ai la possibilité... Et surtout ça, ouais. Il me semble que Cassie est capable d'utiliser la magie, parce que... Au niveau des pouvoirs? Oui, effectivement, oui. J'ai de la magie, donc... Pour Jonah, qu'est-ce qui convaincra cette personne de faire ce que je veux? Ouais. Eh bien, pas grand-chose. Merde. Il est très déterminé et le seul moyen de le convaincre serait éventuellement, de l'accompagner jusqu'à la base militaire, puis de revenir. Ouais, mais non, je veux pas laisser les autres, surtout avec la bourde que j'ai fait hier. Je veux quand même essayer de lui faire passer mon idée. Oui. Et ensuite, il verra bien, et puis il y réfléchira peut-être, sauf s'il est vraiment, vraiment con. Alors... J'ai fait... Ah, j'ai appuyé deux fois. Neuf. Merde, j'ai fait... Non, c'est la fois d'avant, ça, c'est le lance. Ah oui, c'est la fois d'avant. Non, c'est juste avant, c'est le lance-là. J'ai fait neuf. Donc... Je sais plus ce que ça fait, 9. Je crois que c'est... Il obtempère, mais seulement si vous faites quelque chose sur le champ en échange pour montrer ce que vous êtes sincère. Eh bien, il s'arrête. Il était parti pour y aller, mais il t'entend en train de dire qu'il faut garder le village avant tout. Il s'arrête et il te dit, ce que je viens de te dire aussi, hein, il te dit, venez avec moi. Ouais. Venez avec moi. Nous nous expliquerons avec cette armée. Et puis, une fois que nous aurons le fin mot de l'histoire, nous pourrons revenir ici protéger le village. Pour moi, c'est la seule manière de protéger. Allons-y, les gars. Je regarde... Et il s'en va. Je regarde Edgar et je lui demande... Enfin, je le regarde, j'y vais ou pas? C'est toi le chef, moi j'écoute tes ordres, je veux... Tu peux pas y aller seul, ça c'est sûr, donc non, pour moi non. Ouais, ok, donc je le regarde et il me fait le petit signe de la tête du non, et du coup je fais non, je ne vais pas y aller avec vous, je vais défendre le village que vous ne défendez pas. Vous laissez partir le groupe avec Massac, une dizaine de personnes qui s'en va et qui commence à monter les traîneaux et les chiens pour partir vers la base militaire. Ah mais du coup ça veut dire que les chiens ils vont pas être utilisés? Ils ont combien de chiens de traîneau? Si tu veux, chaque famille des chiens de village a des chiens, hein. c'est quand même le truc le plus précieux dans ce genre d'endroit. Hein. Donc, Ouais, ils vont sacrifier 10, ok. Ça par contre je vais l'empêcher, c'est stupide. Et du coup, pendant ce temps, Tuktu et Nilak sont au centre communautaire et commencent à réfléchir à comment exorciser quelque part pour renvoyer la bête dans l'au-delà. Cassie et Edgar sont en train de récupérer des objets qui permettraient de faire des runes magiques avec un feu plus puissant. Vous allez peut-être... Il y en a un qui aide l'autre et un qui fait de la magie. Du coup, ce que je propose, c'est que je fasse la magie et... que tu fasses le coup de main. Le coup de main, je peux le faire comment? C'est une des manœuvres. C'est la manœuvre donner un coup de main. Ah oui, pardon. Il vaut mieux faire l'inverse, parce que... je sais pas. Parce que au niveau du coup de main, j'ai moins 20. Je sais pas aider. C'est un peu tard. Ouais, il vient de lancer. Ok, bon. Ouais. C'est pas grave. Tant pis, vas-y. Désolé. On va y aller. Tente. Non, je vais le faire, hein, mais... 11. Courage. Allez. Ouh. Tu l'as trouvé. Ouh, 9, ça va, c'est cool. Bon, en fait, j'ai rien dit. Non. Ça va. Ok, donc ton aide confère plus 1 au jet de Edgar. Souvent, on fait l'aide en premier et utiliser la... Du coup, tu fais 10. Yeah. En magie. Donc, vous arrivez à créer des runes puissantes, yeah, qui permettront d'être utilisées dès que vous en aurez l'occasion et dès que vous en aurez l'opportunité. Vous pouvez bien sûr les avoir sur vous. Mia Oui. Mm-hmm. Qui utilise les runes? On peut tous les deux les utiliser ou... Pardon. Seulement lui? À vous de décider. En fait, le principe des runes, c'est qu'on va les prédessiner. Et ensuite, par contre, il faudra que tu injectes la magie. D'accord. Mia, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Bah, du coup, je vais essayer de réfléchir à tout ce qui s'est passé hier dans mon coin. Et afin d'enquêter un peu sur le mystère, par exemple, essayer de trouver... essayer de repérer si j'ai pas raté quelque chose qui pourrait me dire est-ce que sa faiblesse était là, ou ce genre de truc-là. Tu retournes alors peut-être vers l'église, là où s'est passé le carnage. C'est ça, vers l'église, et je sors ma loupe de Sherlock Holmes et je me fabrique une fausse moustache avec les cheveux de Milak. Ok. Donc, en te dirigeant vers l'église, peut-être que Jonah, Cassie et Edgar vous suivez, puisque le centre communautaire est pas loin. J'imagine que vous suivez un peu tous dans cette direction ou... Moi, je veux poser des questions à Noja avant. D'accord, très bien. Du coup, ben, Mia, toi, t'es arrivée à l'église et tu as commencé à regarder un peu partout, donc tu peux effectivement enquêter sur un mystère. Ouais, voilà, donc j'enquête sur un mystère. Putain, bon, bah, je fais 9, mais je crois que ça me fait qu'une question, si j'ai pas de conneries. C'est ça, tu peux poser une question. Ouais. J'avoue qu'il y a que voulait-elle faire et à quoi est-elle vulnérable qui me plaît. Bah, à quoi est-elle vulnérable, on l'a à peu près deviné. Hein. Bah, non, ça se trouve, elle a juste eu peur de que ça peut être du lance-flamme, la créature. Et après, que voulait-elle faire? Est-ce qu'elle voulait juste tuer pour le plaisir ou est-ce qu'elle veut se nourrir? Où est-elle partie? Où est-elle partie? Ou est-ce que... Hey, attends, si c'est que voulait-elle faire et ça confirme ma théorie, franchement, vous me devez tous une bière. Et je parle pas dans le GDR, je parle vraiment en vrai. Ok. Enfin, après, connaissant Clown, il voudra pas. Je vais dire... Alors, Mia. Ouais, je vais dire... Que s'est-il passé ici? Non, je vais dire, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Que voulait-elle faire? Qu'est-ce que voulait-elle faire à juste tuer des gens, juste vider des pommes potes dans l'église? C'était pommes potes surgelées, vu la région. Et... Et pourquoi enfin essayer de trouver cette histoire avec les trucs d'impie, pourquoi en fait parler d'impie, voilà, parce qu'elle a le droit à la parole, mais pourquoi? Que voulait-elle faire en regardant les corps et en te remémorant la soirée de carnage de la veille? Il y a toujours cette odeur de putréfaction immonde, ouais, qui imprègne les lieux, ouais, de la baleine et des corps, ouais, ouais, et mais aussi de la présence de la bête, là où elle passe, c'est cette odeur qui reste et qui s'imprègne. En tout cas, en regardant les corps et en te remémorant la veille, tu as eu l'impression que plus entre la première fois où tu l'as aperçue en rentrant dans l'église et le fait qu'elle ait tué des corps, c'est comme si elle avait gagné en puissance. On dirait qu'elle se nourrit pour être puissante. Pourquoi exactement, difficile à expliquer encore, mais en tout cas tu as l'impression qu'elle cherche à gagner en puissance. Ok, c'est assez mauvais signe. Ouais. Donc, du coup, j'ai l'info. On a encore les oreilles connectées? Ouais. Bah, normalement, ouais. Ou pas? Ok. Bah, que s'appelle. Je tapote le micro, je fais allô? J'ai trouvé un truc! Donc, je balance le rapport que vous venez tous entendre, disant comme quoi. En fait, si elle fait ça, c'est pour absorber plus de puissance. Comme ça, vous êtes tous au courant. Oui, d'accord. Ok. Et derrière ça... Edgar et Cassie, vous êtes où à ce moment-là? Est-ce que vous avez suivi Mia? Est-ce que vous êtes resté... Bah, il me semble qu'on avait dit qu'on avait suivi Mia, il me semble. Pas sûr. Ouais, d'accord. Oui, on avait suivi Mia. Oui, mais jusqu'au centre communautaire, vous avez dit non? Non, non, c'est Jonah qui a dit non. Donc, Il n'y a que Jonah, pardon, excuse-moi. C'est moi. Jonah, je vais faire Jonah et puis on fera Edgar et Cassie après. Jonah, tu es toujours resté à l'hôtel avec... Avec Noja qui te regarde dans l'attente peut-être de ce que tu pourrais lui dire, parce que tu as l'air prêt à lui dire des choses. Oui. Je t'aime, Marion, nous. Oui, alors pas, je ne vais pas déclarer ma flamme, hein, malgré que je sois un peu intimidé. Pas encore. Exactement. Mais avant, je veux lui... Donc, pas encore, ouais. Je vais lui dire... voilà, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Hier, vous m'avez dit que vous étiez au courant que ce genre de choses existait. Et comparé à tout le village que je viens de voir, aucun d'eux n'y croyait vraiment en même tout. J'aimerais des réponses, s'il vous plaît. elle baisse un peu les yeux, elle a l'air de réfléchir. T'as l'impression qu'elle se demande jusqu'où elle peut dire les choses et qu'est-ce qu'elle pourrait te dire ou qu'est-ce qu'elle doit encore te cacher. Elle te dit, elle relève les yeux et elle te dit « Je suis en tout cas là pour vous protéger et je ne suis pas votre ennemi. Effectivement, je connais l'existence du portail, je sais ce que fait l'armée. Et bon, allez, disons-le tout net, oui, je fais partie de la CIA. Ah. » Ta ta ta. Ok, là j'avoue, je m'y attendais pas. Depuis quand la CIA s'interroge sur ces choses-là? Ils ont ouvert une cellule, pareil que le... Attendez, vous savez quoi à peu près de nous? Alors, je vais vous expliquer rapidement, mais disons que j'ai pour mission de surveiller un peu le village de Kanak. Vous savez, c'est le plus près de la base militaire et y a des rumeurs qui circulent. Bon, disons que ma mission, c'est de rajouter des rumeurs sur les rumeurs, histoire d'embrouiller les pistes et que le village de Kanak se rende pas compte de ce qu'on fait là-bas sur la base militaire. C'est sûr. Mm-hmm. Je tiens à informer la CIA de ce qui se passe sur Kanak, histoire que nos secrets ne soient pas trop dévoilés. Il se trouve que James m'a informé de votre venue et m'a demandé de veiller quelque peu sur vous. D'accord. Je suis donc prête à vous aider si cela devait arriver. Sachez que la base a été exfiltrée, il n'y a plus personne sur la base. Quoi ? La base a été évacuée ? La base a été évacuée, effectivement. Nous espérons que le cercle de... Je lui parle, c'est pas que je la coupe, c'est que je fais « Venez avec moi » et je monte dans le véhicule, même si elle vient pas, et je fonce vers la base pour aller chercher ma sac et tout. Ok, donc Jonah, tu pars avec Noja. Je préviens les autres, bien sûr, par l'oreillette, je fais « Faut que j'y aille, si ça se trouve, ma sac, il va faire une énorme connerie, et si ça se trouve, il y aura plus de Hatchen qu'autre chose. » Vas-y, va tirer ton coup. Fonce. On sauve le monde. Il a le lance-flam. Yeah. Jonah, tu pars donc. T'inquiète pas, je vais enlever le lance-flam et il va y aller sans. Ouais, j'ai le lance-flam. Si, j'y vais. Edgar et Cassie, vous êtes dirigés avec Mia vers l'église et vous avez été interpellés par Tuktu qui vous a dit on a besoin de votre aide. Nous allons devoir faire une grande incantation. Je connais à peu près la manière de renvoyer l'Atsem dans l'autre monde, mais il faudrait pouvoir contenir la bête le temps de notre incantation, et il faudrait aussi que nous connaissions les mots exacts de l'incantation. Pour cela, il faudrait rendre visite à Ougalik, qui est le patron de la supérette. C'est un érudit qui a écrit de nombreux livres sur les contes et légendes du Groenland. Seul lui pourrait peut-être retrouver... Les mots exacts. En tout cas, nous partons chercher 10 chiens et nous allons les mettre devant le parvis de l'église. Est-ce que vous dites, faites quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de vous dire? Non. Je vais filer un coup de main, mais... Que faire? Bah, après, vous pouvez me rappeler au cas où, je viendrai immédiatement, mais je le sens mal, l'histoire avec Massa qui va à la base. Ouais, mais après, le souci, c'est que t'es super loin, quoi, donc... Ouais, vaut mieux que tu y ailles. Bah après, je suis en véhicule, ça va. Ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Avec un lance-flamme. Je t'emmerde. Et les chiens de traîneau, est-ce que je vais plus vite avec le véhicule que les chiens de traîneau? Disons que tu risques à le rattraper assez rapidement. Ouais. Cool. Je vais essayer de les ramener le plus vite possible. Ok. On n'a pas de plan, autant la suivre si elle a une idée. D'accord. Comment? Moi, je dis, elle a pas de plan, autant la suivre si elle s'y connaît sur comment renvoyer la bête. Elle vous amène à la supérette, du coup. Mia, peut-être que tu les suis aussi en même temps. Je veux pas rester et retenter une enquête sur un mystère, vraiment pas. Genre rester plus longtemps, mais quitte à perdre des options plus tard. Tu peux. On va d'abord jouer Cassie et Edgar. D'accord, pas de problème. Je leur dis, je reste sur place, j'ai forcément raté un truc. Parce que j'ai les yeux pas en face des trous. Ok, très bien. Cassie et Edgar, vous arrivez à la supérette accompagnés de Tuktu et de Nilak, le chef du village. La supérette, en fait, elle ressemble pas à une supérette comme les autres, dans le sens où il y a toute une partie de la supérette qui est une sorte de grande bibliothèque. Et le patron de la supérette, qui s'appelle Ougalik, c'est un homme charmant, cultivé. Il exerce le métier d'épicier, mais voue à côté une grande passion pour la mythologie inuite. Et comme la mythologie est une tradition plutôt orale, sa passion, en fait, c'est de pouvoir écrire tout ce qu'il a, toute la tradition, de pouvoir garder des écrits. Et donc, quand il voit arriver avec Tuktu, Tuktu lui explique la situation Et Ugalik va chercher dans les livres comme ça et dit attends, j'ai peut-être quelque chose. Et il sort un livre qu'il a écrit lui-même. Et une partie effectivement parle des Atsem et raconte qu'il faut prononcer une formule en groenlandais en sacrifiant évidemment des choses précieuses. Et ce qui est précieux pour les Groenlandais et pour les habitants de Kaanaak, c'est évidemment les chiens. Après, comme il expliquait à Tuktu, il ne sait pas si ça doit se faire sur le devant de l'église, sur la dernière attaque du monstre. Il n'en a pas idée. En tout cas, il vous donne le livre avec grand plaisir. Et donc, vous voyez les mots écrits, les mots qui devront être prononcés lors d'une incantation en vue d'exorciser quelque part la bête. D'accord. Tuktu vous dit qu'elle part avec Nilak chercher les chiens, enfin les personnes qui voudront bien donner un de leurs chiens afin de faire l'incantation devant le parvis de l'église. Où c'est que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire, Cassie, Edgar? Du coup, on a le bouquin. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Est-ce que déjà, on veut pas trouver où est le monstre? Ce serait une bonne idée. Est-ce que du coup, tu veux qu'on refasse notre combo combo, tu m'aides, je cherche l'esprit, je sonde. Ouais, mais déjà, il faudrait au moins qu'on aille dans un coin tranquille, en fait, pour pas qu'elle fasse ça devant tout le monde, au cas où ça passe mal, quoi. Allez-y, hein. Et bien, ça marche. Ouais. Vous mettez donc... à l'abri des regards indiscrets. Ouais, c'est ça. Je vais l'amener un peu loin de tous pour. Je vois tellement passer Edgar en mode brouette avec. Entend les jambes de Cassie en mode bip bip bip bip bip bip bip bip. Très bien. Bah, du coup, vas-y, Edgar, tu peux lancer le coup de main. Aïe! Donc tu peux rajouter, hein, oui. Aïe! Et Cassie, du coup, tu peux lancer ton move aussi. Espérons. Aïe. 7, 8. Oh. Et donc, sur ton move, que je ne connais pas par cœur, 7, 8. Entre 7 et 9, réserve 1. D'accord, du coup, tu peux poser une question, sans doute. Ouais, c'est ça. Ce qu'on veut savoir, c'est où elle est. Bah oui, en toute logique, oui, c'est ce qu'on doit savoir. Le mieux, ce serait quand même qui sera la cible de sa prochaine attaque, puisque ce sera là où elle sera et qu'on pourra agir. En fait, le souci, c'est est-ce qu'elle a déjà décidé d'une cible? Et le souci, c'est si elle a déjà décidé d'une cible, il y a un groupe de personnes qui est pas loin et qui sont partis vers la base. Donc, Oui, mais quoi qu'il en soit, on saura où elle est. Au moins, elle apparaîtra, ce sera le moment où elle fera une attaque, de toute façon. Ouais, c'est ça. Écoute, je te laisse. Donc, ouais, qui sera la suite de sa prochaine attaque? Très bien. Toujours en concentration, tu te mets, tu fais une projection astrale, tu arrives dans la peau de la créature, tu ressens une faim qui est de plus en plus grande et tu ressens aussi sa puissance qui a énormément grandi. Tu as l'impression vraiment d'une masse de puissance assez énorme qui est quasi pesante sur toi. Et tu sens que sa faim est tiraillée. Elle semble portée à la fois vers la baie des baleines et à la fois vers le centre communautaire. Comme si elle ne savait pas encore de quel côté elle irait manger. D'accord. Mia, tu continues à faire des tours d'église, tu passes devant, derrière, à côté, tu montes au clocher. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, je me dis qu'il y a forcément un truc que j'ai raté et... Je décide, je pense déjà dans un élan un peu, comment dire, c'est pas de la générosité du tout, c'est dans un élan un peu de compassion envers tout le monde, de commencer à réunir les corps pour les brûler, simplement, parce que ils sont même pas identifiables, il y a tout qui est retiré, il y a rien. D'accord, t'as pas peur de... Et au passage, en les prenant, en les déplaçant, voir si j'ai pas raté un détail, sur faire enquêter un mystère. Ok, du coup, c'est sur enquêter un mystère, c'est quoi que tu cherches exactement, par exemple, si sur la liste de questions... Bah, quelque chose que j'aurais raté. Ouais, mais sur la liste de questions, par exemple, ça serait quoi Attends, j'ai cliqué dessus sans... Attends, deux secondes, faut que je récupère. Le truc qu'il y a, c'est que j'aurais quand même bien aimé voir à quoi était vulnérable, ça se trouve, ça... En fait, c'est que ça se trouve, on sait qu'on voit les flammes, ça peut faire des dégâts, mais ça se trouve, en fait, on a raté un truc, quoi. Ça se trouve, bah, je sais pas, moi, imaginons du flan au chocolat, ça la tuerait, voilà, on le saurait, quoi. Ce genre de truc-là, tu vois, c'est vraiment un détail. Ce qui fait que, par exemple, Cassie et Edgar pourraient fabriquer les runes de ce truc-là précis. Ça, on l'OS, vraiment. Parce que je me suis presque inspiré de Charm, où à chaque fois, ils ont là formule magique pour ce truc de ce genre de truc là, mais à chaque fois ils font des putains de recherches pour ça. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être une pas une mauvaise idée. Voilà. Ok, ben bah vas-y. Et du coup, j'enquête sur le mystère en déplaçant tous les corps, voir si je trouve pas, je rate pas un truc. Donc j'ai toujours, une réserve de 1. Je demande à quoi elle est vulnérable. Ce que tu vois, c'est au niveau des corps, pas grand chose. Par contre, ce que tu remarques, là où il y avait le prêtre avec son cierge allumé, tout autour des traces de glace noire qu'elle laisse autour. Et des fois, t'as l'impression que les glaces noires ont essayé de rentrer près du prêtre et de ressortir, comme si ouais, c'est la lumière en fait. Le feu était quelque chose qui c'est un petit cierge. Sur lequel elle avait peu de prise, quoi. Pourquoi ? Donc c'est vraiment le feu et rien d'autre. Ok. Peu de prise, voir ça pouvait être peut-être pire pour elle. Voilà. Du coup, je passe un appel téléphonique et je leur dis, vous allez pas me croire, mais je crois que le feu, ça lui fait mal. Mais putain, on le sait depuis 10 ans. Oui, j'ai passé 2 heures. Vous foutiez quoi, bande de merde, hein ? Ouais, bon, on voit qu'on te paye à faire quelque chose, tu vois, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, pas de quoi. Pendant ce temps, Edgar, tu as réussi à retrouver les traîneaux qui sont en partance pour la base militaire de Tulé. Et qu'est-ce que tu fais ? Ils sont là devant toi, tu peux facilement les prendre à revers ou les prendre par devant. Enfin, que comptes-tu faire ? Edgar. Jonah. Du coup, je veux arriver sur le côté. Ouais. Bloquer leur route, sortir les mains en l'air et dire avec Noja et dire immédiatement arrêtez tout de suite, c'est complètement stupide, j'ai des informations sur la base, attendez, n'y allez pas, ils sont en pleine opération spéciale, ça risque d'être dangereux si les invités y vont. Oh là là, putain, c'est français. D'accord, mais je pense que encore une fois tu essayes de manipuler. Ouais, ok. Et donc vas-y, je te laisse un... Je te laisse tenter de les manipuler. Oh, putain. Aïe. Quand ils t'entendent, Massac a les yeux noirs qui se transforment en yeux de flamme. Et tu as un de ses compagnons qui vise avec son fusil et qui commence à te tirer dessus. Et tu prends 2 points de dégâts. Ah, ça se passe comme ça ici. Et Noja, parce que là, je me prends une balle, là. Ouais, mais toi, tu t'es pris une balle, ouais. Et c'est toi qui as parlé en même temps. Hein. Oui. Et du coup, il te tire dessus. Et Mossack te dit, laissez-nous faire ce que nous avons à faire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'ici et vous n'avez pas à nous donner d'ordre. Et il commence à repartir, en direction de la base. Pendant ce temps, Edgar et Cassie, vous avez Cassie, tu as remarqué que la bête avait l'air hésitante dans son appétit, qu'elle ne savait pas exactement de quel côté aller. Et quand vous baladez un peu dans la rue juste après la supérette, vous voyez un attroupement au niveau du port de la baleine, du port des baleines, avec la baie des baleines, le port, avec effectivement le prêtre qui n'a plus rien de charismatique, hein, vraiment ce regard fou. Il tient toujours un nouveau cierge qu'il a trouvé on ne sait où dans les mains et qui dit repentez-vous, l'apocalypse est là, je l'ai vu, le diable en personne, repentez-vous. Et il commence à se mettre à genoux et il y a une quinzaine de personnes derrière lui qui se mettent à genoux et qui commencent à avancer en direction de l'église. Il faut savoir, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais la nuit polaire est là, donc il fait toujours sombre, le soleil ne se lève plus à partir d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il peut y avoir des agressions de jour. Et il n'y a pas de jour. C'est ça le truc, c'est que... Trop bien. Bah voilà, c'est ça le truc. Non mais c'est que les heures supposées de jour, bah il peut y avoir des agressions. Il n'y a plus le jour, il fait tout le temps nuit. Alors une nuit plus ou moins éclairée, mais disons que le soleil, on ne le verra plus pendant plusieurs mois. Cassie, Edgar, qu'est-ce que vous faites ? Mais Edgar, qu'est-ce que tu fais ? Je vais capturer un drac au feu, histoire d'avoir un lance-flamme, mais qui vise bien. Pour la suite des événements, parce que ça va pouvoir partir en couille. Est-ce que je pourrais pas invoquer quelque chose qui pourrait m'aider dans ce combat pour nous préparer? Tu peux pas invoquer un esprit de feu, un truc comme ça? Du soleil, du feu. Tu peux pas faire l'invocation des frites? Tu voudrais en fait invoquer une sorte de monstre de feu, peut-être, quelque chose comme ça. C'est quoi exactement que tu veux faire? Un monstre de feu. Un feu follet? Peut-être une petite fée, ce genre d'esprit qui est capable de soigner. Un truc mignon, un truc qui va pas détruire le village. T'es capable de soigner ? Ouais, quelque chose qui soigne plutôt. Oui, voilà. D'accord. Une invocation. Une invocation, ça demande quand même une certaine concentration. C'est pas utiliser la magie comme ça en claquement de doigts. Ouais, ouais exactement. Je voudrais bien me préparer à ça en fait. Il faudrait peut-être que tu ailles à l'hôtel, dans la chambre, commencer à tracer des trucs au sol pour pouvoir invoquer. Ouais, ce que je pense à faire. Invoquer quelque chose. Donc tu te diriges vers l'hôtel afin d'invoquer. Une sorte de petite fée qui serait une fée protectrice pour vous, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement. Ok, d'accord. Bah, tu te diriges, tu es à l'hôtel et tu commences à tracer voilà, tes trucs au sol, donc tu peux lancer ton sort, utiliser la magie. Très bien. Je suis désolé, tu m'as fait borgne, c'est pas ouf. Du coup, tu as réussi à invoquer une petite fée qui vient du royaume d'un royaume oublié, une dimension qu'on ne connaît plus depuis longtemps. Mais c'est une fée jeune, une fée assez jeune, qui t'explique que niveau pouvoir, elle en a pas 36 000, qu'elle pourra tenter et évidemment de t'aider, qu'elle le fera, mais que son temps est compté aussi dans ce monde des humains et qu'il faudra agir vite. Bah, du coup, je vais conclure le pacte et je vais dire ok, pas de soucis. Très bien. Cassie, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu es pas loin du port, tu vois ces hommes qui sont en train de se mettre à genoux et d'avancer en direction du centre. Bon, je pense que je vais aller les rejoindre pour les protéger si quelque chose arrive. Tu accompagnes du coup la procession des chrétiens ? Ouais. D'accord, très bien. Et pendant ce temps, Mia ? Je vais à la supérette. Acheter des trucs pour nous faire pour qu'on ait vraiment mangé vraiment un truc bien complet, parce que si ça revient à n'importe quel moment, faut qu'on soit prêt et tout ça. À vraiment bien être blindé au niveau bouffe, tout ça, pour éviter de perdre des forces ou quoi que ce soit. Simplement. Parce que je vois rien d'autre à faire là, à part attendre que ça frappe, je vois pas comment je peux trouver quoi que ce soit là. D'accord. Pendant ce temps, Milak, le chef du village, toque à la porte à l'hôtel. Et te demande, Edgar, en te disant le livre, on a besoin du livre, nous sommes en train de préparer l'exorcisme, nous avons besoin du livre. Tiens, prends-le. Bah alors tu as la gueule, écoute. Venez avec nous. Oui, je vais avec eux, par contre. Comment ? Je vais les suivre, du coup. Ok. Donc, tu suis Nilak qui t'emmène jusqu'au centre communautaire. Tuktu commence à saigner deux chiens. Les autres chiens sont en train d'aboyer. Nilak est en train de prononcer quelques formules, mais rien n'a l'air d'arriver, en tout cas pour l'instant. Par contre, Cassie, tu es avec le prêtre et les autres, et tu entends derrière un cri. Tu te retournes et là tu vois l'ombre qui est en train d'avaler l'énergie vitale. Tu vois la personne en fait en train de se décomposer jusqu'à devenir une momie. La bête est en train d'attaquer la procession qui remontait vers le centre communautaire. Ils ne sont pas très loin du centre et Tuktu et Nilak, là-haut, ont vu ce qui se passait et commencent à prendre peur. Nilak, n'écoutant que son courage, fonce vers le prêtre et vers la procession et vers toi, Cassie, avec une sorte de harpon prêt à se battre contre cette créature maléfique, pendant que Tuktu est toujours auprès des chiens et essaye de les égorger de plus en plus vite pour arriver à ce que le sortilège fonctionne. Jonah, tu es un peu plus loin, on repasse à toi vite fait. Ouais. Les chiens, ce sont le traîneau, a donc continué vers la base militaire de Tué. Tu es pas très bien, tu as besoin de soins. Nojak essaye de te faire un petit bandage. En tout cas, elle stabilise ta plaie. Ce qui veut dire que dans les mécaniques du jeu, je vais pas te dire là tu repères -1. Tu vois. Ouais, ok. Voilà, elle a stabilisé ta plaie. N'empêche, tu as besoin de soins. Ok. Ouais. Ouais. Mais ça pourra attendre. Disons que la plaie est stabilisée. Tu as pris un coup au niveau de l'abdomen, il y a sans doute peut-être un organe de toucher, quelque chose comme ça, peut-être que ça peut... Je me vidais de mon sang le coude, c'est genre, oh non. Voilà, donc... Chose que je veux faire, c'est déjà demander à Noja si elle connaît bien la base, et s'il y a un système d'autodéfense. Non, là, je ne sais pas comment ils sont partis et dans quelles circonstances. Tout ce que je sais, c'est que James Gordon a exfiltré toute l'équipe car elle n'était plus en mesure de faire son travail. Mais... comment ? Comment ça, puis en mesure ? Bon, je me renseignerai plus tard. Est-ce que je peux l'appeler James Gordon ? Bah, c'est juste qu'ils sont complètement... ils sont devenus fous là-bas, parce que quoi, ils ont perdu les esprits, quoi. C'est genre plus long. Ouais. Est-ce que je peux appeler James Gordon et repartir pour le village ? Là où tu es, il n'y a pas vraiment de réseau. On n'a pas une balise radio ? Merde. Tu es assez loin des autres... Tu as un peu de mal pour appeler James Gordon, qui est sans doute aux USA. Bon, bah je dis à Doja, ça restera un problème en attendant, et je vais à fond pour rentrer au village, et dès que je capte une fréquence, parce que du coup, peut-être les oreillettes ne marchent pas jusqu'à... Si, parce que je sais à peu près ce qui se passe. De là où tu es, l'oreillette, non, pour l'instant, tu sais pas ce qui se passe. Donc je fonce à fond pour essayer d'avoir du soin, et je sais pas à quoi m'attendre. En attendant, voilà, puis je parle à Doja, je la remercie. Ok. Très bien, donc toi tu refonces à fond vers le village. Mia, voilà. Tu sors de la supérette, tu as continué un peu à marcher dans les rues. Tu avais acheté à manger, c'est ça ? Oui, j'étais même en train de manger. Merci maman. Je vois trop d'or, j'ai fait un petit ragoût. Et là tu vois la scène d'horreur qui est en train de se passer sur la route principale qui mène du port jusqu'à la... jusqu'au centre communautaire où la bête est sortie et commence à manger et tu vois ces fidèles qui sont là en train de hurler et, un démon et la bête qui commence à manger un à un les fidèles du prêtre. Bah déjà je commence par un appel radio en disant la bête est en train de refrapper au niveau du port. Là ça commence à partir façon lasagne au niveau avec les mecs qui étaient réunis autour du prêtre. Donc j'ai besoin de monde là. C'est de lasagne. Et après Cassie, Edgar. Ouais. Bah là c'est le moment de croiser les bras et de dire Power Rangers, parce que là je suis dans la merde si je vais tout seul. Ouais. Cassie, c'est toi qui veux. On va te suivre, bien sûr. On s'est quand même préparé au combat, donc. L'action. Ouais, voilà. Le seul ici qui s'est préparé au combat, c'est moi, parce que j'ai pas le moyen de me préparer au combat. Donc, voilà. Edgar, Cassie, t'es au plus près de l'action. Edgar, t'es pas très loin non plus, hein. Qu'est-ce que vous faites ? Les rênes de feu, on peut pas les utiliser maintenant ? C'est moi qui les ai pour l'instant. Merde. Moi, je la cours. Vu que je suis pas très loin, je vais venir en courant. Le retour de la malédiction, hein ? Ok. Et puis, moi. Ah non, c'est un fusil à pompe que je vais aimer. Edgar arrive en courant et Cassie, qu'est-ce que tu fais ? Pour arrêter qu'elle saigne les fidèles, pour l'instant, je vais relancer une malédiction. Très bien. Bon, vas-y, je te laisse faire. Attends, en même temps, tu peux pas changer l'attention... je parlais à Cassie, pardon. Est-ce que dans les malédictions que tu as, t'as pas changé l'attention ou genre fixé une personne comme cible ? En faisant à l'écoute, si je fais un échec critique, ça vient vers moi. Ah, parce que le truc qu'il y a, c'est que j'aurais préféré que ça aille sur moi. Vu comme ça. T'as envie d'être une pop-pot ? Je me dis comme quoi au moins je serais belle pour la plage, mais... Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, tu vois, genre, avec le souvent sous-estimé, en gros, je peux faire une connerie, mais je vois pas ce que je pourrais faire avec ce souvent sous-estimé. Du coup, je vais relancer une malédiction. La bête arrive, vas-y, Cassie. Merde. Échec critique, non ? Oui, tout à fait, c'est un échec. Ah, c'est pas le premier. Au revoir. Ce n'est qu'un autre. Tu essayes de relancer une malédiction sur la bête. La bête le remarque, entend tes incantations. Et fonce sur toi à une vitesse assez impressionnante. Je veux pas tirer sur la bête à ce moment-là au fusil à pompe. En train de dépasser tous les fidèles, en train de dépasser le prêtre, elle fait un petit contour du prêtre et elle fonce sur toi, elle rentre dans ton corps, mais carrément. Et la plupart de tes organes commencent à geler et tu perds 3 points de vie. Tu tombes par terre. Médic ! Tu tombes par terre et tu es pour l'instant pas très bien du tout et en incapacité de faire quelque chose pour un petit moment. Ouais. Edgar, tu es arrivé, Mia aussi, vous êtes sur les lieux. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Bah déjà, moi, je commence à tirer au fusil à pompe sur la bête pour récupérer l'attention sur moi, pour éviter que la bête achève Chef Cassie. Très bien, tu tires au fusil à... Qui appelle au médic. Tire au fusil à pompe et la bête... Donc casser la gueule. La bête te regarde, non même pas, tu tires au fusil à pompe, ça lui fait... Non, ça la traverse. Ça la traverse, ça ne lui fait strictement rien. Bah ouais. Et tu vois qu'elle te regarde, mais vraiment comme si elle se désintéressait de toi. Et elle refonce vers les fidèles et elle en rebouche un. Elle est en train de lui prendre et donc tu vois... Si je fais un échec critique sur souvent ces estimés, j'attire toute l'attention en fait. Donc ça peut être pas mauvais. Ouais, mais faudra m'expliquer ce que tu fais de complètement débilos qui marche quoi. Et toi Edgar, tu fais quoi? Je tape dans mes mains et dans des casseroles en mode bing bing. Du coup, je vais demander à la fée si elle est capable d'aller soigner Cassie. Pendant ce temps, je vais commencer mon incantation pour les flammes. Ouais, très bien. Donc, tu commences à tracer des runes au sol. Ouais, en utilisant justement les runes qu'on a déjà préparées pour essayer de faire un bon sort. Quoi. C'est bon. Et comment tu comptes t'y prendre par rapport à la bête? Tu comptes l'encercler? Tu comptes l'attirer vers un endroit Alors, du coup... c'est on va utiliser donc un catalyseur. Donc, ça sera les glyphes qu'on a déjà fabriquées avec... avec Cassie, ce sont des catalyseurs d'énergie. Donc ce sont des runes qu'on a déjà insufflées en magie qui vont donc permettre de rendre le sort plus fort. Donc l'objectif, ça va être de faire un éclair de feu, mais en tout cas, ça va être assez puissant et cibler la créature. Ah, ça l'envoie, d'accord, ça la cible après sur la bête. Ouais, en fait, ça sera... Ok, d'accord. Ça sera la façon dont je vais diriger l'incantation, la façon dont je vais tuer les mots qui vont mettre en place le sort, donc c'est-à-dire la forme, l'énergie et l'effet. Ok, très bien. Donc, tu es en train de faire ça, la petite fée va vers Cassie, la petite fée est pas très dégourdie et commence à essayer de réchauffer un peu ton corps, Cassie, et tu reprends un point de vie. C'est bien ça. Merci, Pitché. La gonago sexuelle. Best boy. Tu reprends un point de vie, et là, la fée, pouf, disparaît. Merde. Ah, merde. Jonah, t'es arrivé à peu près au niveau de la baie des baleines. Ça y est, je le capte. Et donc, tu captes très bien tout le monde. Donc, je sais que c'est la merde. Bah, moi, je hurle comme quoi, qu'est-ce que tu fous pas là? Tu vois que c'est la merde. Je le vois, d'accord. Est-ce que je peux... Alors, ce que je voudrais faire, c'est sortir et me mettre sur le capot, arriver avec le lance-flamme, et je voudrais qu'en fait... Noja, parce que du coup c'est elle qui conduit, hein, c'est pas moi vu que je... Voilà. D'accord, donc tu demandes à Noja de conduire. Ouais, et je voudrais qu'elle passe... qu'on essaie de passer devant la bête et que je le brûle en même temps pour qu'elle nous suive. Et toi, tu montes sur le lance-flamme. Ok. Mia... Lance-flamme. Ouais, ça marche. Mia, toi, tu comptes faire quoi? Bah... Là, tout ce que je peux faire, c'est... Moi, je vous préviens, dégagez la route devant! Devant la bête, là! Vite! Je suis arrivé à fond! Bah, commencer par faire un bras... Pas du tout. Là, très franchement... Tu soulèves ton t-shirt et tu montres tes seins à la bête. Le seul truc que... Alors déjà, je suis en pull. Non. Tes concentrations. Et coucou. Non. Alors, ce serait régressé dans la lutte que j'essaie de mener. Non, plus sérieusement. Le seul truc, en fait, que je vois, c'est... que là, pour l'instant, je vois Jonah qui arrive et qui essaie de brûler le truc avec Toulouk là, qui conduit la voiture. Donc du coup, je me dis que la seule façon qu'on a de soit procéder à la fin du rituel qui était prévu par Tuk-Tuk ou soit le plan prévu par Jonah, c'est-à-dire cramer peu importe ce qu'il y a dessus, peu importe ce qu'il y a devant. Oui. Bah. C'est que la bête soit retirée et surtout qu'elle puisse arrêter de bouffer. Donc je commence à virer tout le monde. Moi je vire tous les prieurs, les mecs qui sont en train de prier, tout comme ça, à gros coup de latte dans le cul, en mode mais dégagez, vous allez servir de bouffe, dégagez, j'essaie de virer le plus de personnes possible. parce que je sers à rien, je sais pas soigner ou quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que ce serait pas protéger quelqu'un? Mais si, mais arrête de dire que tu sers à rien, c'est pas vrai. Parce que tu pourrais protéger quelqu'un là, dans ce cas-là, non? Bah t'as bien vu, les seules armes que j'ai sur moi, c'est une corde à piano, des couteaux et un fusil à pompe. J'ai tiré sur l'autre et j'ai pas touché. Et du coup, t'essaies de... Mais arrête avec ça, t'as plein d'autres solutions de faire. Du coup, tu cherches à protéger les gens. Alors moi, je te propose, soit c'est de protéger les gens, soit à coup de les virer à coup de cul, ça peut être ta manière d'attirer la bête vers toi, d'attirer l'attention. Peut-être par rapport à ta manœuvre spéciale. Je serai souvent sous-estimé. Au pire, soit j'attire la bête, soit au contraire, la bête comprend pas ce que je fais, elle m'ignore. Ouais. Et du coup, j'arrive à virer tout le monde. Bah, allez, on part sur un souvent sous-estimé. Allez, vas-y. Bah, je fais 7 et je me rappelle plus, mais je crois que c'est pas bon. Je crois qu'en fait, elle me remarque, mais à moitié. Je sais plus. Attends, Mia, perso plus. 7 ou 9 au choix. Soit elle me considère comme inoffensive, soit sans intérêt. Je préfère, du coup, sans intérêt. Ok, d'accord. Du coup, rien à foutre. Et donc, du coup, elle regarde soit le lance-flamme, soit les runes de feu, mais pas moi qui suis en train de virer tout le monde. Ah, d'accord. Donc, pendant qu'elle est en train de dévorer une personne, elle te voit pas à côté en train de foutre des coups de pied dans les fesses de tous les autres. Elle est trop dans l'appétit, en fait, de son truc. Elle te voit pas faire ça. Et maintenant, Jonah et Edgar, vous allez me faire vos manœuvres par rapport à ce que vous comptiez faire. Ouais, je vais utiliser un dé de chance. Ça existe pas, mais... Non, pas un dé de chance, mais un truc de chance. J'en ai 6. Ah, les trucs de chance qu'on a à la petite barre de chance. Alors... Ah, pour taper à 12 direct. Alors, l'utilise pas maintenant, fais ton G, et si ton G est mauvais, tu pourras l'utiliser. Ok, donc je vais faire casser la gueule. 12. Oh. Ouais, bah ouais, je vais l'utiliser du coup. Donc tu utilises et tu fais un 12 sans souci. Donc tu prends un point de chance en moins. Et pendant ce temps, toi, Edgar, donc tu vas utiliser la magie. Ouais. Je présume pour balancer ton truc. Par-dessus la troisième corde. Là, le mec qui lui a fait l'attaque dans slap, déflagration et nitro charge en même temps, quoi. Wow. Barbecue. Genre, le mec, il n'a aucune solution. Par contre, juste pour en revenir sur Jonah, je m'attendais à rien du tout sur la session, je suis quand même déçu. D'accord, ça fait le temps. Jonah, tu balances la sauce. Ouais, j'arrive avec le camion qui s'arrête juste devant, j'ouvre la portière, mais je me la reprends dans la gueule vite fait avant de donner un coup de lance-flamme. Et encore, tu vois même pas où tu vises. C'est un peu ridicule, mais... Balance la sauce. Pendant ce temps, Edgar, tu appelles toutes les énergies ou je ne sais quoi à se concentrer dans les runes et à balancer du feu... Enfin, un éclair de feu ou qu'est-ce que c'est exactement? Je n'en sais rien. Ouais, là, je pense que je peux dire. Là, ouais, c'est. Une tornade. Ouais, j'ai balancé quelques éclairs de feu, quoi, tu vois. Une tornade de feu. Il est en mode avatar réveillé. Une tornade de feu. Une tornade de feu, là, c'est. Une tornade de feu s'abat sur la bête. De l'autre côté, un gros souffle de lance-flammes. Ouais. Hélas, au milieu, Nilak, le chef d'âge, s'était jeté sur la bête. Oh, c'est mince. Et là, Nilak prend feu, brûle. Et meurt. Ah, là, il promet de se défendre. La bête, juste à côté, prend feu, elle aussi. Et, on peut dire qu'il s'est fait descendre. Oui, tout à fait. Attends, c'est le temps que ça monte au cerveau, tu sais. Pardon, excusez-moi. Et la bête commence à crier un bruit horrible. Vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, vous ne nous aurez pas. Et de la cendre commence à s'écouler de ce qui semblait être de la fumée. Et un tas de cendres se pose au sol. La bête est morte, sans doute. Et là, je mets mes lunettes de soleil, je fais « Tu me rappelles une vieille amie à moi ?» On l'appelait Jeanne. Jeanne d'Arc. Elle voulait descendre. Elle en a eu. Touctou était à son 9e chien. Et elle arrête son couteau à la gorge du 9e. T'as le chien, c'est qui pleure, qui est en mode « Oh putain, la chance !» Elle regarde ce qui s'est passé, elle lâche son couteau, elle arrive vers vous. Elle continue, elle lui tranche la gorge pour aucune raison. Et tiens. De haine parce qu'elle sert à rien, le fait. Noja sort de la voiture. Est-ce qu'elle m'aide? Et vous et vous interpelle, toi Cassie, toi Mia, toi Jonah, toi Edgar. Elle vous dit montez vite, ça va chauffer. Ben non, il n'y a plus le feu. Pardon. Moi, je veux bien qu'on me réchauffe. Montez vite, ça va chauffer. Il faut s'exfiltrer d'ici au plus vite. Ouh. Ils vont bombarder le village. Plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi je suis dans la voiture déjà, donc je rentre juste mon lance-flamme. Okay. Bah moi je prends Cassie sous le bras. Je me brûle les doigts et puis... Je rentre jusqu'à la voiture. Pour l'amener jusqu'à la bagnole, parce que la pauvre c'est un glaçon. Ouais. Vu que le sol est déjà gelé, elle peut pas la faire glisser, donc je la prends sous le bras. Et je l'amène jusqu'à dans la voiture. Yeah. Très bien. En espérant avoir un coup de main d'un homme viril. Pardon, ça existe pas. Et... Vous montez tous dans la voiture, Noja démarre au quart de tour. Vous voyez qu'il y a quelques villageois qui vous courent après. Peut-être que la mort de Nilak n'est pas pour rien dans une sorte de haine qu'ils ont peut-être envers vous à ce moment-là. Et vous partez vers le nord, dans un endroit assez désertique. Le même chemin qui a été suivi par que tu as suivi Jonah il y a pas très longtemps avec Noja et tout à coup arrivé du ciel vous voyez l'avion que vous aviez déjà pris hein, cet avion un peu futuriste yes. Avec le métal noir et les glyphes il se pose à côté de vous une porte s'ouvre vous rentrez il y a à l'intérieur du matériel médical à votre disposition ce qui vous permet pour certains d'entre vous en tout cas qui étaient vraiment pas très bien de pouvoir être soigné rapidement et l'avion redécolle avec Noja à son bord aussi vite qu'il est venu vous avez peut-être je sais pas moi une heure de vol on avait dit je crois une heure de vol jusqu'à la zone 51. Est-ce qu'il y a James dedans? Ah c'est l'ancien avion ouais voilà c'est l'avion de ses morts ouais. Est-ce qu'il y a James dans cet avion? James n'est pas dans l'avion en tout cas vous repartez Jonah et Cassie, vous êtes... pris en charge. Vous êtes pris en charge, c'est ça, afin de régler vos blessures. J'aurais juste deux questions à poser à justement Edgar et Mia, qui sont, eux, en tout cas... plus en forme. Ben, plus en forme. Edgar, cette ombre que vous avez combattue, même si elle n'était pas tout à fait pareille, dégageait la même impression que celle que tu as chassée il y a longtemps et que tu chasses depuis longtemps. Il y a de fortes correspondances. Tu n'avais jusqu'à présent trouvé aucune piste et là, bim, tu en as une, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Quelles questions ça te pose ou à quoi tu penses? Là, je réfléchis beaucoup et je n'ai pas parlé beaucoup à l'équipe. Que du coup, je me demande déjà comment ça se fait que soudainement on a des. Ça apparaisse, et depuis combien de temps en fait les portails existent. Ouais. C'est-à-dire du coup, quand même, que la CIA, elle a enquêté quand même sur tous les membres de l'équipe, donc c'est-à-dire qu'ils connaissaient très certainement ma situation, ou du moins en grande partie. Du coup, je me dis que quand même là, on peut peut-être pas faire confiance à la CIA ou à des autres membres, ou en tout cas aux autres personnes que l'équipe, quoi. Ok, donc t'as des doutes au niveau de la CIA et Ouais, parce que ça me paraît très bizarre quand en fait elle a vraiment attendu l'urgence pour nous appeler. Que finalement, ça a été un peu la solution d'ultime recours et qu'ils n'ont pas hésité à nous foutre dedans en nous abandonnant là-bas, quoi. Ok. Puis même, enfin voilà, j'ai enfin fait un pas vers mon objectif et quelque part, j'en suis content aussi, quoi. C'était quoi les correspondances que tu as trouvées entre cette bête et celle que tu chasses depuis un... Alors déjà, la terreur qu'elle inspire, plus par être... quand un être humain n'a jamais été confronté à la magie, forcément, ça, ou en tout cas aux êtres surnaturels... Ah, c'est pour ça qu'il voyait des trucs différents. Ouais, en tout cas, c'est ce que je suppose, moi. Moi aussi, c'est ce que je supposais au début, c'est que, bah ouais, nous, on est un peu initiés, quoi. Enfin, moi le moins, vous le plus, mais... Sauf que cette créature était quand même beaucoup moins puissante. Ah merde. Moi j'ai peur pour Massac en fait. Parce que bah, s'il rentre dans la base, est-ce qu'il va pas libérer le portail, tu vois, enfin... Donc voilà, donc le souci c'est que la créature était beaucoup moins puissante, elle avait la puissance magique bien réduite. Mais enfin, elle m'a fait la même impression quoi, de terreur certes, mais beaucoup moindre en fait. Ok, d'accord. Est-ce que je peux faire un move? Non, pas encore. Dommage. Mia, tes recherches n'étaient pas vaines, tu savais que ce portail existait. Oui. Et tu en as eu enfin la preuve. Tu as par contre appris que les balles n'étaient plus tirées depuis, n'étaient plus tirées en masse puisque la CIA avait maintenant. Ouais, ils ont essayé de le faire péter, ouais. Avaient découvert une technologie inconnue qui leur permettait de contenir le portail en plaçant le métal noir autour. Mm. Que penses-tu de ces nouvelles infos ? Vers quoi ta paranoïa naturelle t'emmène-t-elle en termes de conclusion ? Que penses-tu qui se trame actuellement par rapport à tout ça, du coup ? Bah déjà, moi j'ai l'impression surtout que c'est de jouer avec des choses qui ne contrôlent pas une seule putain de seconde. Et que du coup, c'est extrêmement dangereux, la preuve, parce que cette ombre-là, bah c'était. D'accord, ils ont réussi à bloquer un truc qui n'est pas passé, mais qui me dit qu'ils n'ont pas appelé autre chose. À cause de faire joujou avec, par exemple, le vaisseau où on est, les nouveaux matériaux qu'ils utilisent pour bloquer les trucs dans le. Pour bloquer le portail, qui dit qu'en quoi c'est pas des trucs qui appellent d'autres bestioles. Justement, parce qu'il n'y a pas. Justement, c'est pas. Comment expliquer ça ? En fait, voir ça comme un équilibre, en fait. Vu qu'ils l'ont. On avait trouvé un certain équilibre qui fonctionnait depuis je sais pas combien de milliers d'années, enfin, milliers d'années, non, mais qui plusieurs, beaucoup de. Enfin, presque une vingtaine d'années. Ils l'ont perturbé, bah du coup, c'est normal qu'on se serait pris un revers de bâton dans la gueule, quoi. Donc voilà, à part ça, je. Bah très franchement, je sais pas trop quoi en penser, parce que du coup, t'as. Moi, personnellement, je vois pas trop comment. Enfin, je vois pas trop ce que j'aurais. Je sais pas. Mais peut-être que du coup, d'apprendre ces nouvelles, c'était quand même une enquête sur laquelle que tu menais depuis longtemps. Donc tu avais découvert ça, et là, tu en découvres encore un peu plus, ce qui peut t'amener à. Peut-être. En tant que paranoïaque, justement, à démêler un complot peut-être encore plus grand, tu n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien, c'est moi qui n'en sais rien. C'est pour ça que je te posais la question, en fait. Pour l'instant, j'ai aucune preuve. Et sans preuve, je fais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, les seules choses que je pensais savoir sont avérées complètement. Enfin, pas fausses, parce que c'est ce qui s'est passé avant, mais ce qui s'est passé après, je n'étais pas au courant. Donc, je me dis qu'en quoi je ne suis pas au courant de tout et que, bah. Je sais pas, ça peut être particulier. Ça te donne envie d'en savoir plus, peut-être, sur ce qu'ils font ou... Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Ok. Je sais pas, parce que d'un côté, oui, j'ai envie de le savoir, et d'un autre, je me dis qu'en quoi, bah, plus je vais en apprendre, plus je vais me faire tuer, quoi. Tout simplement. j'ai le côté parano derrière, hein. Voilà. Ok. Jonah, tu voulais faire un move ? Ouais, je veux faire semblant d'être mal en point pour tenir la main de Noja. C'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Putain, mais on va. Ok. Alors, Jonah, tu regardes Noja et tu es pas très bien et tu te sens. Ouais, je fais semblant de pas être très bien, tu sais. Mais des fois, j'ouvre les yeux, genre. Mais tu es vraiment pas très bien, mais. Genre un petit. Oui, après, je suis vraiment pas bien, mais du coup, j'abuse. J'accuse le coup. Voilà. Suga. Et Noja a les yeux qui restent assez noirs et. Yes. Et elle porte quand même sa main sur la tienne. Yes. Mais elle ne te regarde pas, elle regarde ailleurs un peu dans le vide, un peu comme si elle pensait à autre chose. Vous arrivez à la zone 51, vous sortez de l'avion futuriste, et il y a James Gordon qui est en face de vous, qui a un sourire aux lèvres et qui vous fait « Nous avons une proposition à vous faire qui, vous connaissant, vous aurez du mal à refuser. » Et là, la scène se coupe. Il y a une caméra en plan fixe qui filme un anneau dimensionnel, comme vous avez vu au Groenland, mais autre part. Et autour de l'anneau, il y a des personnes dans la pénombre qui sont vêtues de rouge, encapuchonnées, et qui semblent exécuter une sorte d'incantation. Et dans le miroir laiteux au centre de l'anneau, apparaît doucement, comme sortant à la verticale en apesanteur, une sorte de démon à la peau rouge, vêtu d'un simple pagne avec des cornes sur la tête, le visage souriant. Et puis, paf, c'est le générique de fin de la série. Déjà agréable en soi. Voilà, la session est terminée.